c'est injuste. God save toujours ceux qui ont le temps d'aller prier tous les jours. God save ce qui peut quand qui veut. C'est à croire qu'il save toujours ceux qui n'ont pas de vrais problèmes tous les jours. Il se fout bien dans ma vie des ennuis, ça m'ennuie. Et c'est vrai, il ne voit rien que l'écran de ces gens pleins d'argent. Je suis fauché. God save the king and the queen. C'est pas drôle. God sait très bien que je n'ai rien, même pas un ange gardien. Je sais, pour moi la chance est passée sans un mot à côté. Et c'est vrai. God a le contrôle, le monopole des idoles. God est malin, il sait très bien que je ne suis pas un.